Qu'est-ce que la prière dans le domaine de la spiritualité ? Et exemple de prières exemptes de toute religion. Premièrement, comprendre le concept de prière dans la spiritualité. La prière est une pratique profondément enracinée dans le domaine de la spiritualité, souvent associée à diverses traditions religieuses. Cependant, au-delà des frontières religieuses, la prière transcende les systèmes de croyances spécifiques et revêt une signification universelle en tant que moyen de se connecter avec le divin. Dans cet article, nous explorons l'essence de la prière dans la spiritualité en approfondissant ses éléments universels et le pouvoir qu'elle détient pour transformer nos vies. Nous examinerons également des exemples de prières exemptes de toute religion, démontrant comment la prière peut être un outil personnel et profond pour rechercher des conseils, trouver la paix intérieure et manifester un changement positif. En faisant de la prière une pratique spirituelle universelle, nous pouvons nous ouvrir à une compréhension plus profonde du cosmos et de la place que nous y occupons. Définir la prière dans un contexte spirituel. La prière, par essence, est une forme de communication entre les individus et le divin. C'est une façon d'exprimer ses pensées, ses désirs et ses émotions les plus profonds à une puissance supérieure. Si la prière est souvent associée aux pratiques religieuses, elle revêt également une grande importance dans le domaine de la spiritualité. Dans ce contexte, la prière dépasse les frontières de la religion organisée et puise dans un lien plus personnel et individuel avec le divin. 2. Explorer l'essence de la prière, au-delà des frontières religieuses. L'universalité des pratiques de prière. Reconnaître la prière comme un chemin vers la transcendance. La prière est une expérience humaine universelle, transcendant les limites de tout système de croyance religieuse particulier. C'est une pratique qui a été adoptée par des personnes d'origine et de cultures diverses à travers l'histoire. L'acte de prier permet aux individus d'accéder à un sentiment plus profond de connexion, de paix et de transcendance. Il ouvre la porte à une conscience supérieure, permettant d'éprouver un sentiment d'unité avec le divin et l'univers. 3. Éléments universels de la prière. Connexion avec le divin. Intention et concentration dans la prière. Quelle que soit l'appartenance religieuse, la prière partage certains éléments universels qui enrichissent l'expérience spirituelle. L'intention et la concentration jouent un rôle crucial dans la prière, car elles guident les pensées et les émotions que l'on souhaite transmettre au divin. En cultivant une intention claire et en dirigeant une attention ciblée, les individus peuvent approfondir leur connexion avec l'énergie divine. Créer un espace sacré pour la prière. Créer un espace sacré pour la prière est un autre aspect essentiel. Cet espace peut être aussi simple qu'un coin tranquille, dans la maison ou un cadre extérieur serein. En consacrant un espace spécifique à la prière, les individus créent un environnement qui contribue à faciliter un sentiment de tranquillité et de connexion spirituelle. Qu'il s'agisse de rituels personnels, d'objets symboliques ou de musique apaisante, l'espace sacré sert de conteneur pour la circulation des énergies sacrées. 4. Pouvoir de l'intention. Comment les prières transcendent les croyances religieuses ? Intention et croyance dans la prière. Le pouvoir de la prière réside dans son intention et dans les croyances sincères de celui qui la pratique. Quelle que soit l'appartenance religieuse, la prière agit comme un moyen d'exprimer ses désirs, ses espoirs et sa gratitude les plus profonds envers le divin. C'est par cette communication intentionnelle que les individus s'alignent sur les énergies universelles qui régissent notre existence. Les prières comme canal d'énergie universelle. Les prières, lorsqu'elles sont abordées avec sincérité et avec un cœur ouvert, deviennent un canal pour attirer l'énergie positive et manifester les intentions. Elles transcendent les croyances religieuses en puisant dans la vérité fondamentale selon laquelle nous sommes tous des êtres interconnectés, partageant un désir commun d'amour, de paix et de bonheur. De cette manière, les prières deviennent un pont qui unit les individus de tous horizons, transcendant les divisions religieuses et mettant l'accent sur notre humanité commune. Ainsi, que vous croyez en une puissance supérieure, en l'univers ou même simplement au pouvoir de la pensée positive, la prière peut être un outil puissant de croissance personnelle et de connexion spirituelle. 5. Exemple de prière non religieuse. Recherche de conseils et de paix intérieure. Réflexion personnelle et contemplation. Dans le domaine de la spiritualité, la prière ne se limite pas aux rituels ou traditions religieuses. Cela peut également prendre la forme d'une réflexion et d'une contemplation personnelle. Ce type de prière implique de prendre un moment d'introspection tranquille pour se connecter à soi-même et chercher des conseils. Il vous permet d'explorer vos pensées, vos émotions et vos désirs, vous aidant ainsi à gagner en clarté et à trouver la paix intérieure. Affirmation de mantra. Une autre approche non religieuse de la prière implique l'utilisation d'affirmations et de mantras. Il s'agit de déclarations ou de phrases positives que vous vous répétez, renforçant ainsi vos croyances ou vos intentions. Les affirmations peuvent vous aider à cultiver un état d'esprit positif, à renforcer votre confiance en vous et à manifester vos objectifs. Les mantras, quant à eux, sont des syllabes ou des mots sacrés qui sont chantés ou répétés, créant un flux rythmique qui calme l'esprit et amène à concentration. 6. La pratique de la pleine conscience dans la prière. Cultiver la présence et l'immobilité. Technique de pleine conscience dans la prière. Dans le domaine de la spiritualité, la prière peut également être renforcée par la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à porter toute son attention sur le moment présent, sans jugement ni attachement. Lorsqu'elle est appliquée à la prière, la pleine conscience vous permet de vous immerger pleinement dans l'expérience, apportant un sentiment de présence et d'immobilité. Cela vous permet d'abandonner les distractions et de vous connecter profondément avec vous-même, les autres ou une puissance supérieure. Approfondir la connexion grâce à la méditation. La méditation est un autre outil puissant qui peut compléter la prière dans la pratique spirituelle. En vous engageant dans la méditation, vous pouvez cultiver une connexion plus profonde avec votre moi intérieur et le monde qui vous entoure. Grâce à différentes techniques de méditation, telles que la concentration sur la respiration ou les visualisations, vous pouvez apaiser l'esprit, trouver la paix intérieure et vous ouvrir à des perspectives spirituelles. Cet approfondissement de la connexion peut renforcer encore davantage le pouvoir transformateur de la prière. 7. La prière comme outil de transformation personnelle. Manifester un changement positif. Prière pour l'introspection et la guérison. La prière, quelle que soit l'appartenance religieuse, peut être un outil transformateur de croissance personnelle. Grâce à la prière, vous pouvez approfondir votre introspection en examinant vos croyances, vos valeurs et vos comportements. C'est l'occasion de chercher à guérir les blessures émotionnelles, de trouver le pardon et de cultiver l'autocompassion. En traitant vos propres blessures intérieures par la prière, vous pouvez vous lancer dans un voyage de transformation et de croissance personnelle. Prière pour la gratitude et l'abondance. La prière peut également faciliter la transformation personnelle en exprimant sa gratitude et en recherchant l'abondance. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions de votre vie, vous vous ouvrez à recevoir plus d'abondance. La prière peut vous aider à détourner votre attention du manque et de la rareté vers un état d'esprit d'abondance et de gratitude. Ce changement de perspective peut apporter des changements positifs dans votre vie et attirer davantage ce que vous désirez. 8. Conclusion. Faire de la prière une pratique spirituelle universelle. Le pouvoir et le potentiel de la prière. Quelles que soient les croyances religieuses, la prière possède un pouvoir et un potentiel immense. C'est une pratique qui permet aux individus de se connecter à leur essence spirituelle, de rechercher des conseils et de favoriser leur croissance personnelle. En adoptant la prière comme pratique spirituelle universelle, nous pouvons exploiter sa nature transformatrice et expérimenter un profond sentiment de paix, de but et de connexion. Invitez la prière comme rituel spirituel quotidien. Intégrer la prière dans votre vie quotidienne peut avoir un impact profond sur votre bien-être général. En traitant la prière comme un rituel spirituel, vous pouvez créer un espace et un temps dédié à cette pratique. Qu'il s'agisse de quelques instants de réflexion personnelle, de récitation d'affirmation ou de pratique de pleine conscience et de méditation, intégrer la prière à votre routine quotidienne peut apporter un sentiment de calme, de clarté et d'épanouissement spirituel. Alors, allez-y et invitez la prière dans votre vie, en tant que rituel spirituel quotidien. En conclusion, la prière offre un moyen puissant de se connecter avec le divin et de nourrir notre croissance spirituelle, s'étendant au-delà des frontières de toute religion spécifique. En reconnaissant les éléments universels de la prière et en explorant des exemples de prières non religieuses, nous élargissons notre compréhension de son potentiel de transformation. Adopter la prière comme pratique spirituelle quotidienne nous permet de cultiver la présence, de manifester un changement positif et de trouver du réconfort dans les moments de réflexion. Adoptons la prière comme un outil pour approfondir notre connexion avec le divin et améliorer notre voyage vers la découverte de soi et la paix intérieure. Exemple de prière neutre de toute religion. Voici un exemple de prière neutre qui peut être adapté à toutes les croyances ou convictions spirituelles. Ô grand esprit, source de toute vie et de toute création, je me tourne vers toi pour demander ta sagesse, ta force et ta guidance. Aide-moi à trouver la paix intérieure et à cultiver l'amour et la compassion pour tous les êtres vivants. Que je puisse être un instrument de ta volonté et de ta lumière dans le monde. Je te remercie pour les nombreuses bénédictions que tu m'as accordées et je prie pour la guérison, la paix et l'harmonie pour tous les êtres points. Second exemple de prière neutre de toute religion. Ô force supérieure, guide-moi sur le chemin de la sagesse et de la compassion. Aide-moi à être aimant et à vivre dans la paix avec les autres. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie et je demande ton aide pour surmonter les obstacles qui se présentent devant moi. Aide-moi à être fort et courageux face aux défis de la vie et guide-moi vers la voie de la vérité et de l'amour. Fermez les guillemets. Cette prière peut être adaptée en fonction des croyances et des besoins de chacun en utilisant des termes tels que la source divine, l'énergie universelle, le pouvoir créateur, etc. Page 21, nous allons voir guillemets, qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? Page 21.